Texte 6. Le parti de vivre. Tout d'abord la lumière, des sons et puis un cri. J'arrive avant minuit et il y a plein de monde par ici. On pose sur le cœur d'une femme qui m'enlace, me sourit. Elle m'aime depuis 9 mois. Je l'appellerai maman pour la vie. Je sais plus très bien comment j'ai fait pour atterrir ici, ni même ce que j'ai choisi, le pack enfer ou paradis. J'attends sans préjugés et je verrai bien ce qui va se passer. Peu importe mon destin, pour l'instant, je suis calé. Je suis entré dans la vie comme certains s'en vont à la fête. Des rires et des envies, tout plein de bonheur dedans ma tête. Depuis, je perds plus mon temps, je croque la vie de toutes mes dents. Faut dire que c'est sympa d'être ici bas et bien portant. J'ai pris le parti de vivre. Sans m'en faire, sans souci. Inspirer, expirer. Sur une période indéfinie. Pour faire mes premiers pas, j'ai pris la main de mon paternel. Il m'a ouvert la voie, marchant les yeux, fixés au ciel. Si je rêve tout en couleurs, c'est un peu grâce à lui. Il m'a montré le monde, et ça m'a fait envie. Est-ce que tu as déjà vu les yeux d'un enfant quand il rit? As-tu déjà pris le temps d'une journée tout seul, sans amis? Sais-tu combien c'est beau, un coucher de soleil sur la mer? Sais-tu combien de temps tu peux regarder un ciel d'hiver? Prends le parti de vivre, sans t'en faire, sans souci. Inspirer, expirer, sur une période indéfinie. C'est un principe de vie, un credo, un kiff gratuit. Car aujourd'hui tu vis, mais demain, tu peux mourir aussi. Je construis toute mon histoire, pas à pas, petit à petit. Je prends tout comme du bonheur, jour de soleil et jour de pluie. Bien sûr qu'il y a des galères, des vrais coups de blouse, de gros soucis. Mais maintenant, j'ai le ciel, les étoiles, des tonnes d'éclaircies. J'ai pris le parti de vivre, sans m'en faire, sans soucis. Je me promène dans la vie, guettant ses joies, ses à côté. Je me réjouis de ce que j'ai, en espérant l'inespéré. Je traîne ici et là, au gré du vent, bon ou mauvais. Ma vie n'est pas parfaite, mais j'ai quand même de quoi manger. Face à cet univers, je repense à celle qui fut ma mère. Celle qui, avant minuit, m'a fait le cadeau d'une vie. Merci. Quand je suis dans les ténèbres, je repense à l'homme que fut mon père. Marcher les yeux au ciel, ça m'aide à trouver la lumière. J'ai pris le parti de vivre, j'ai pris le parti de vivre, sans m'en faire, sans souci. Inspirer, expirer, sur une période indéfinie. Depuis qu'ils sont partis, je te jure, il y a eu bien des orages, tournants, lacets, virages, et des rêves en forme de mirage. Mais j'ai su garder le cap et prendre à mon tour par la main cet enfant devenu mien lorsqu'il est né un jour de juin. Il construit son histoire pas à pas, petit à petit, prend tout comme du bonheur, jour de soleil et jour de pluie. Il a quelques galères, de vrais coups de blouse, de gros soucis. Il en parle à la mer, au ciel et moi. Moi, je suis fier de lui. On prend le parti de vivre, sans s'en faire, sans souci. Inspirer, expirer, sur une période indéfinie. C'est un principe de vie, un credo, un kiff gratuit. Car aujourd'hui on vit, Et pour l'instant, ça nous suffit.